Praise the Lord, mighty prophet of the Lord. Loué soit le Seigneur, puissant prophète du Seigneur. Well, now the Lord has spoken with me last night. Bien, maintenant, le Seigneur a parlé avec moi cette nuit passée. The Lord has continued to speak with me about the events that highlight the closeness with which we are drawn toward the coming of the Messiah. Le Seigneur a continué de me parler des événements qui annoncent le retour du Seigneur qui se rapproche. Et cette nuit dernière, lorsque le Seigneur s'est entretenu avec moi, en ce jour, sur la venue du Messie et les signes dont il a parlé, then I see now, the Lord showed me, alors je vois maintenant, le Seigneur m'a montré, I see the Lord show me the massive historic fire. Je vois le Seigneur me montrer un feu massif et historique that is going to break out. Qui va éclater. There is a very, very massive historic fire. C'est un feu très massif et historique that breaks out. Qui éclate. And I see people running. The Lord put me in the fire and I panicked also. Et j'ai vu les gens courir. Le Seigneur m'a mis dans le feu et j'ai paniqué aussi. And I see people running in all directions but the fire. Et je vois les gens courir dans toutes les directions mais le feu is so vast and so huge. Est si vaste et si énorme. It enclaves the people in it. Ça enclave les gens là-dedans. And closes the people in. Ça les enferme dedans. So there was almost nowhere to run, but I see a lot of people running in large numbers. Ainsi, il n'y avait presque nulle part où aller. Je vois beaucoup de gens courir, un large nombre. Large numbers. A big fire is going to break out soon. Un grand nombre, un grand feu va éclater prochainement. A huge fire is about to break out soon. Un énorme feu est sur le point d'éclater bientôt. It will be in the news. And you see a lot of people running. Ça sera dans les nouvelles et vous verrez beaucoup de gens courir. Running for their lives. Courir pour leur vie. I see a lot of people running in an amazing distress. I have never seen like that. Je vois beaucoup de gens courir dans une étonnante détresse que je n'ai jamais vue comme ça. The Lord puts me in there. I'm also stranded. Le Seigneur m'a mis là-dedans. Je suis aussi coincé. Some people are trying to run to their houses to pick some money. Quelques personnes essayent d'aller dans les maisons prendre de l'argent. There's this person who was saying, il y a cette personne qui disait, they have put a lot of money in the house. Ils ont mis beaucoup d'argent dans la maison. So they want to run there and get the money, but alors ils veulent courir là-bas pour avoir l'argent, mais fire had grabbed the house. Others are saying, le feu a désagrégé la maison. D'autres disaient, I have expensive clothes in there. I want to go and get the clothes. J'ai des habits chers là-dedans. Je désire aller et prendre les habits. But the fire had consumed the houses. Mais le feu avait consumé les maisons. And yet they cannot run away also because the fire engulfs. Et encore, ils ne peuvent pas s'en aller aussi, parce que le feu engouffre les gens. It encircles them and it's coming raging fire. Il les encercle et le feu devient furieux. So I see a lot of fire is coming. Donc, je vois beaucoup de feu qui vient. I see people running. Je vois des gens courir. I don't know whether it's black people or looks more like they're black people running. Je ne sais pas s'ils sont des gens noirs, ça ressemble plus à des gens noirs qui courent. In all directions, they've got the historic fire. Dans toutes les directions, ils ont un feu historique. And there's nowhere to run, so people will be running in large mass. Et il n'y a nulle part où aller. Ainsi, les gens vont courir en large masse. And the fire will consume all sides, all around. Et le feu consumera partout, tout autour. It is going to be a distressful time. Ça va être un temps de détresse that, will consume at this hour. Qui consumera en cette heure. Now, Daniel, chapter 12, verse 1, talks about this. Daniel chapitre 12, verset 1 parle de cela. Unspeakable distress that will consume this hour. Une détresse indescriptible qui consumera cette heure. And then Daniel 12, verse 2. Et ensuite, Daniel 12, verset 2. Daniel talks about the entry of the church into the glorious kingdom of God. Daniel parle de l'entrée de l'Église dans le royaume glorieux de Dieu. In Daniel 12:3, he highlights righteousness. Et Daniel 12:3, il souligne la justice, the fear of God, la crainte de Dieu. He highlights wisdom. Il souligne la sagesse. The need for holiness to be upheld. Le besoin que la sainteté soit confirmée. And those are the means by which the nations must now prepare for the coming of the Messiah. Et ce sont les moyens par lesquels maintenant les nations doivent se préparer pour la venue du Messie. Again, just a few days ago, encore, il y a juste quelques jours, the Lord sent a heavenly emissary, an envoy from heaven that sat with me. Le Seigneur a envoyé un émissaire des cieux, un envoyé qui s'est assis avec moi, a very senior one, and spoke to me, un principal, et il m'a parlé about making this announcement to the nations, sur faire cette annonce aux nations, to announce the nations that the Messiah is coming. Annoncer aux nations que le Messie vient. That everybody now needs to prepare in righteousness. Que chacun maintenant a besoin de se préparer dans la justice. In that very fear of God, Daniel celebrates. Dans cette véritable crainte de Dieu que Daniel célèbre. In that holiness. Dans cette sainteté. In a right standing with the Lord. En ordre avec le Seigneur. This is our for righteousness in the church. C'est l'heure de la justice dans l'Église. And again, the Lord in this conversation this night. Et encore, le Seigneur dans cette conversation cette nuit. It is as though the Lord is speaking very clearly now to the church by saying. C'est comme si le Seigneur parle très clairement maintenant à l'Église en disant. That these things of money in the house, they were running for it, but consumed. Que ces choses d'argent dans la maison, ils couraient pour ça, c'est consumé. Expensive clothes in their houses. They were running to try and salvage them, but destroyed, totally destroyed with the home. Des habits chers dans la maison. Ils couraient en essayant de se sauver avec, mais détruits, totalement détruits avec les maisons. So the Lord is saying it's at this hour now that people's hearts. Donc le Seigneur dit qu'en cette heure maintenant, le cœur des gens. People's hearts should be anchored. Le cœur des gens devrait être ancré unto the throne room of God in heaven, à la salle du trône de Dieu dans les cieux, the holy throne room of Jehovah in heaven, la sainte salle du trône de Jéhovah dans les cieux, where the Messiah anchored the souls of men, où le Messie a ancré les âmes des hommes, when he died, and he said, quand il est mort, et il a dit, upon resurrection, that woman, à la résurrection, à cette femme, don't touch me, I have not entered. Ne me touche pas, je ne suis pas entré. And then he entered and touched his blood on the mercy seat. Et ensuite il est entré et a touché son sang sur le propitiatoire of the ark of the covenant of God, de l'arche de l'alliance de Dieu, that is the throne room of God in heaven, qui est la salle du trône de Dieu dans les cieux. In that way, he anchored the souls of the believers. De cette manière, il a ancré les âmes des croyants, the holy Christians, the righteous Christians, les chrétiens saints, les chrétiens justes, those in upright standing, ceux qui se tiennent debout, those in the fear of God, those walking the wisdom of the Holy Spirit, ceux qui sont dans la crainte de Dieu, ceux qui marchent dans la sagesse du Saint-Esprit. Thank you. Merci.